Merci Tiffaine de Rocchini, à demain. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui mardi, deuxième moment de notre série consacrée aux mémoires de Churchill et surtout du général de Gaulle, quelques jours avant le centenaire du 11 novembre 1918. Une série commencée hier, donc par les mémoires de Churchill durant la Grande Guerre, lui qui l'a vécu en tant que premier lord de l'amirauté, puis dans les tranchées des Flandres, après l'échec de l'opération des Dardanelles, dont on l'avait rendu responsable. Antoine Cadet nous a présenté ses mémoires dans une émission à réécouter en podcast. Demain, nous reviendrons sur les lettres, notes et carnets du général de Gaulle avec Jean-Luc Barré qui les a édités et préfacés dans la collection bouquins chez Robert Laffont. Enfin jeudi, avec Jean-Louis Janel, nous évoquerons notamment la polémique entourant la présence au programme du bac 2011 des mémoires du général. Ce sera l'occasion de parler aussi plus largement de la plume de mémorialiste de Charles de Gaulle. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour revenir sur la biographie, en particulier sur la formation littéraire du général de Gaulle, nous sommes avec vous, Alexandre Duval-Stalla, bonjour. Bonjour Mathieu Garrigou-Lagrange. Vous êtes avocat au barreau de Paris, mais également écrivain, auteur de plusieurs biographies croisées, un genre littéraire que vous avez peut-être même inventé, pour mieux parler de Chateaubriand et Napoléon Bonaparte, de Claude Monet et Georges Clemenceau, ou d'André Malraux et Charles de Gaulle, trois livres que vous avez publié dans la collection L'Infini des éditions Gallimard. André Malraux, Charles de Gaulle, une histoire de légende, c'est le premier de la série. Il date de 2008, vous l'avez écrit, pour dire en somme que l'un ne va pas sans l'autre. C'est cela, Alexandre Duval-Stalla. Il y avait une amitié intellectuelle extrêmement extraordinaire entre les deux, mais il y avait surtout chez l'un et chez l'autre une culture littéraire qui faisait leur singularité. Et qui les rapprochait de manière évidente. C'est évidemment de Gaulle qu'on souhaiterait parler aujourd'hui avec vous, c'est-à-dire du grand militaire, évidemment, que l'on connaît, mais aussi de celui qui aurait pu devenir un grand écrivain. C'est en tout cas ce que vous dites, Alexandre Duval-Stalla. Oui, dans l'ambivalence de cette relation si particulière entre André Malraux et Charles de Gaulle, il y a d'une certaine manière l'envie de Malraux de devenir de Gaulle et peut-être l'envie chez de Gaulle d'être Malraux. Mais il y a, je pense, aussi dans la vie de Charles de Gaulle une période qu'on connaît moins, c'est celle avant la guerre. Et c'est celle qui, paradoxalement, est peut-être la plus intéressante et la plus riche, parce que c'est celle de sa formation intellectuelle, qui est extrêmement riche et variée. Donc vous diriez qu'il a réellement hésité à devenir écrivain? Ah, sa première ambition était d'être écrivain. Et d'ailleurs, dans son imaginaire personnel, les grands philosophes et les écrivains occupent la première place, et ensuite éventuellement les hommes d'État ou les chefs militaires. C'est pour ça qu'il en a tant voulu à Paul Morand au moment de la guerre, c'est qu'il considérait que, de par son statut d'écrivain si connu qu'était Paul Morand au début de la Seconde Guerre mondiale, il aurait dû en fait rejoindre la France libre. Donc il lui en a vraiment voulu, au point que les péripéties de l'élection à l'Académie française de Paul Morand furent nombreuses. Surtout qu'il connaissait bien tous ces milieux et qu'il aurait été sans doute très utile au général de Gaulle à Londres. Alors il a eu un père professeur de lettres, Charles de Gaulle, et ça n'est pas sans conséquence, on l'imagine. Il n'était pas en fait simplement professeur de lettres, il était aussi donc le préfet de l'école qui se trouve rue de Vaugirard, qui a formé beaucoup de grandes personnes. Mauriac, Bernanos, Mauriac, François Mitterrand sont passés, Édouard Balladur sont passés par cette maison. Et donc, il était vraiment un professeur extrêmement respecté, qui avait une culture extrêmement variée également, avec un parcours assez singulier, puisqu'il était d'un milieu monarchiste, catholique, et pourtant, il était Dreyfusard. Et il a toujours gardé à l'égard de la commune une certaine bienveillance. Donc il y a une grande liberté d'esprit dans la famille du général de Gaulle. Il y a une grande liberté d'esprit, à la seule réserve que leur mère, donc la femme d'Henri de Gaulle, s'écriait qu'ils étaient tous républicains, ce qui l'effrayait. Mais ils avaient effectivement, en tout cas, une exigence intellectuelle qui faisait en sorte qu'ils s'autorisaient d'analyser chaque situation au regard de cet intellect et pas simplement au regard de ce qu'on aurait pu leur dire. Et donc c'est une forme d'indépendance qui d'ailleurs a toujours été celle du général de Gaulle pendant toute sa vie, c'est-à-dire qu'il a toujours d'une certaine manière regardé les problèmes avec un regard neuf et un regard intellectuel. Donc on apprend au jeune Charles de Gaulle la dialectique entre l'exercice de ce qui deviendra le pouvoir, enfin les choses de la vie, du travail par exemple, et en même temps ce regard qui est toujours le regard de la culture. Tout doit être vu par le regard de la culture. Il y a dans les passions qui sont pas forcément, enfin son père est donc prof d'histoire et puis aussi prof de littérature, mais il y a chez Charles de Gaulle une curiosité en fait qui va s'inscrire beaucoup dans l'histoire, et donc il va beaucoup se projeter dans cette histoire, et dans cette histoire notamment dans ce roman national dans lequel il va beaucoup se projeter. Et puis il y a un attrait pour les lettres qui est indéniable là également, et qui je pense lui donne ce recul nécessaire pour analyser les choses. La littérature offre des esprits parfois révolutionnaires. Oui, alors parmi les périodes préférées du général de Gaulle, il y a la Grèce antique. Il y a un livre qui a été fait par le professeur Alain Larcan, qui est exceptionnel parce qu'il retrace d'une certaine manière tout l'itinéraire intellectuel et spirituel du général de Gaulle. Et il y a dans ce livre vraiment toute notre littérature. Il y a bien évidemment le monde grec et latin. Il faut comprendre qu'à l'époque, c'est vraiment le passage obligé et des codes qui sont extrêmement importants et d'une certaine manière qui influent tout l'enseignement de l'histoire et de la littérature. Donc il y a une forte culture chez lui, bien évidemment, gréco-latine. D'ailleurs, lorsqu'il va faire ce discours de Bayeux, il invoque la Grèce antique et notamment le sage Solon. Donc ça, c'est vraiment une grosse partie de sa formation. Ensuite, il y a une partie qui est la littérature globale française, c'est-à-dire qu'il va faire Moyen-Âge, 17e, 18e, 19e, et qui là aussi est une culture extrêmement classique, donc La Bruyère, La Rochefoucauld, les moralistes comme Chamfort, et puis évidemment aussi le théâtre, hein, Corneille, Racine. Il y a vraiment une vraie culture classique très approfondie. Et aussi les penseurs, il est lecteur de Bergson, il est lecteur de Boutroux, il n'y a pas de différence pour lui entre les penseurs, les philosophes et puis les écrivains. Les penseurs qui vont le plus effectivement l'influencer, c'est effectivement Bergson, Boutroux, aussi Barrès, il parle beaucoup de Barrès, qui lui donne cette espèce de sentiment charnel de la France. Il aime beaucoup Barrès. Il aime beaucoup Barrès, et il aime beaucoup aussi Charles Péguy. Donc on est vraiment dans cette culture, il aime moins Maurras. Il en parle néanmoins. Il en parle, oui, il en parle. Il l'a lu, bien évidemment, mais il est barrésien, mais il n'est pas maurrassien. Et ça, c'est vraiment une vraie différence. C'est que dans sa formation intellectuelle, il y a Charles Péguy et il y a Barrès, et c'est sans doute parce qu'il y a ces deux personnes, et ces deux écrivains, et ces deux penseurs, qu'il ne fera pas le choix, dans les années 30, du fascisme et des régimes autoritaires. Alors on imagine qu'il lit tout cela crayon en main, qu'il souligne, et puis qu'il note aussi dans ses carnets un certain nombre de citations, Alexandre Duval-Stalla. Tout à fait, lorsqu'on reprend tous ces carnets, ces lettres, notes et carnets, que vous verrez dans l'émission de demain, il y a toutes ces notes. Il est assez extraordinaire. J'aimerais être aussi prolixe que lui dans ses carnets. Je me contente de noter dans mes livres. Mais lui, effectivement, il note tout sur ses carnets. Et donc, il a un nombre de carnets impressionnant et qui est, lorsqu'on les lit, en fait, une découverte de l'univers intellectuel du général de Gaulle. Alors, on va en écouter justement un extrait avec des citations. C'est un carnet de notes qui date de 1963. Tout oublié, mépriser tout et mourir. Chateaubriand. Pour être un homme supérieur en affaires, il n'est pas question d'acquérir des qualités. Il ne s'agit que d'en perdre. Le temps où des gouvernements secrets et absolus faisaient obscurément marcher des soldats derrière d'obscures dépêches. Chateaubriand. Nous sommes revenus à ce temps-là. Suivant Stendhal, l'erreur de Napoléon fut avoir appelé ce peuple « grande nation » oubliant qu'elle n'était grande qu'à condition de l'avoir pour chef. Car c'est vraiment, Seigneur, le meilleur témoignage que nous puissions donner de notre dignité, que cet ardent sanglot qui roule d'âge en âge et vient mourir au bord de votre éternité. Baudelaire. Une lecture par Philippe Moreau. De Gaulle peut donc citer tout aussi bien Chateaubriand que Baudelaire. Est-ce que l'une de ces citations vous a retenu davantage que les autres, Alexandre Duval-Sala? Il y a la dimension bien évidemment liée à Chateaubriand qui est extrêmement importante chez le général de Gaulle. Alors pour quelle raison? Par le style d'abord, le style ternaire dont parfois il a du mal à se défaire et dont il en parle avec André Malraux. Et puis il y a ce côté tragique qu'il prend de Chateaubriand et qui reste quand même extrêmement présent dans toute la vie et l'action du général de Gaulle, c'est-à-dire ce sentiment d'être toujours au bord du précipice, au bord de l'abîme. Et d'ailleurs, dans la fin des mémoires de guerre, les derniers passages sont très, très intéressants et sentent le Chateaubriand d'une certaine manière. C'est lorsqu'il décrit les différentes saisons avec les différentes manières dont la France peut vivre ces saisons. Je vois que vous avez ouvert le livre justement à cette page-là. Est-ce que vous souhaitez faire une citation? Alors, en hiver, elle gémit. Me voici, stérile et glacée. Combien de plantes, de bêtes, d'oiseaux que je fis naître et que j'aimais meurent sur mon sein, qui ne peut plus les nourrir ni les réchauffer. Le destin est-il donc scellé? Est-ce pour toujours la victoire de la mort? Non. Déjà, sous mon sol inerte, un sourd travail s'accomplit. Immobile au fond des ténèbres, je pressens le merveilleux retour de la lumière et de la vie. Alors, est-ce que ce style, ce grand style inspiré de Chateaubriand, existe déjà dans les premières œuvres de Gaulle, puisque à 15 ans seulement, c'est-à-dire en 1905, il a écrit sa première œuvre, disons, qui s'appelle Une mauvaise rencontre. C'est une scénette comique. Vous l'avez lu, j'imagine, Alexandre Duval-Sala? Tout à fait. C'est la première œuvre de l'adolescent Charles de Gaulle, où il s'essaie à cette espèce de mauvaise rencontre avec un passant et les choses se passent. Ça ressemble pas tellement à l'image qu'on a de Charles de Gaulle. Ça n'a rien d'antique, ça n'a rien, mais il va écrire à ce moment-là pas mal de petites pièces comme ça qui vont être plus des amusements. Il va faire un peu aussi de poésie, donc je pense qu'il est dans une période où il se cherche un peu, mais on n'est pas du tout encore dans le grand style. On va avoir un peu après, si, des petites... des écrits de guerre, d'une certaine manière, où il se présente comme le général de Gaulle sauvant la France. Et d'ailleurs, ses frères se plaignaient toujours qu'il devait récupérer les autres armées, puisque, bien évidemment, Charles de Gaulle s'arrogeait le droit de garder les forces françaises. Donc ça, c'est un texte qui s'appelle Une campagne d'Allemagne. Hein. Voilà, tout à fait. Et donc, il y a vraiment, dès ce moment-là, dès son adolescence, une préscience qu'il aura un rôle majeur à jouer dans l'histoire de France. C'est évidemment une construction, j'allais dire, d'adolescent, mais il réalisera ce rêve, bien évidemment, tout au long de sa vie. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant chez le général de Gaulle, c'est qu'il toute cette formation, en fait, à la fois littéraire, intellectuelle, mais aussi militaire, à Saint-Cyr, et puis voilà, est une sorte de préparation à devenir l'homme qu'il souhaite être. Et d'ailleurs, dans le fil de l'épée, on voit bien que la projection qu'il fait du caractère du chef est une projection dans laquelle il se met lui-même. D'où d'ailleurs, souvent, de la part de ses camarades ou de ses supérieurs, des moqueries quand... on le décrit comme le connétable. Pourquoi nommer quelqu'un capitaine alors qu'il ne pourrait être que général? Oui. La manière dont il se décrit à travers, en effet, le chef dans le fil de l'épée, est-ce que c'est des choses qui vous paraissent encore actuelles aujourd'hui ou est-ce que c'est daté la manière dont De Gaulle envisage à cette époque-là le chef? Alors, je ne crois pas parce qu'en fait, le fil de l'épée est un texte extrêmement bien écrit, extrêmement bien ciselé, C'est dans ce texte-là où il dit au fond des victoires d'Alexandre, on retrouve toujours Aristote. Et je crois que c'est vraiment un mot clé de la personne et du caractère du général de Gaulle, c'est cette conviction que l'école du commandement, c'est la culture générale. Et ce texte est extrêmement fluide, on croirait presque à un texte de Salluste, tellement il est extrêmement bien ciselé. Et ça reste quand même un grand texte sur le caractère du chef. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on relit ça, l'armée n'est plus ce qu'elle était à l'époque. Hein, lorsque le général de Gaulle rentre dans l'armée, c'est la plus belle chose du monde. C'est vraiment la carrière. Aujourd'hui, on fait l'inspection des finances. À l'époque, on faisait Saint-Cyr et on devenait militaire. Et donc, il y a chez lui une projection de sa personne dans cet idéal. Il insiste beaucoup sur la mise à distance que le chef doit avoir par rapport à ses subordonnés. C'est peut-être quelque chose qu'aujourd'hui, on ne présenterait plus de cette manière-là. Oui, il y a une conception du chef sûrement datée. J'imagine qu'aujourd'hui, dans l'armée française, les relations sont sans doute moins distantes. D'ailleurs, pendant la guerre et même pendant sa préparation, ses camarades sont tous là, notamment pour prendre les douches. Voilà. Et Indy, on n'a jamais vu le général de Gaulle nu. Ouais. Donc il y a vraiment chez de Gaulle une espèce de conception de sa personne qui est vraiment d'essence différente. Alors qu'est-ce qui fait finalement que le jeune général de Gaulle, qui n'est pas encore général, hein, on revient un petit peu en arrière, décide de ne pas être écrivain et d'entrer à Saint-Cyr, Alexandre Duval-Stalin ? Je crois qu'il a projeté dans cette carrière militaire tout son imaginaire du roman national et d'être à la suite, notamment, je pense que l'influence de Bonaparte, plus que de Napoléon, a été très grande. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est, donc il naît en 1890, on est au début du XXe siècle, donc en 1900, 1905, 1910, 1915, et du coup, on est encore, d'une certaine manière, dans certaines réminiscences de la gloire napoléonienne, de la gloire de la France. Il faut savoir qu'on a perdu la guerre de 1870, quand même, on n'a plus l'Alsace et la Lorraine, donc c'est vraiment, on est un pays qui est amputé. Et du coup, la carrière que lui offre d'une certaine manière la carrière militaire, c'est en fait la première place. Parce que pourquoi il se projette autant, j'allais dire, dans cette dynamique nationale, c'est parce qu'il souhaite occuper la première place. Oui. Donc il fait Saint-Cyr, il se distingue rapidement de ses camarades, et puis il fait ensuite au 33e régiment d'infanterie à Arras son apprentissage d'officier, et là il va rencontrer un certain Pétain qui lui a démontré, c'est ce qu'il dit en tout cas dans ses mémoires, ce que valent le don et l'art de commander. Alors ça c'est la première rencontre entre Pétain et de Gaulle. Qu'est-ce qu'elle raconte finalement de ces deux hommes ? C'est effectivement une première rencontre et ça va être d'une certaine manière leur histoire, c'est-à-dire à la fois d'admiration et de rivalité. On raconte que ils se retrouvaient dans le train pour aller à Paris et qu'ils avaient leur maîtresse respectivement, l'un et l'autre à Paris. Le général de Gaulle était encore jeune, il n'avait pas connu encore Yvonne de Gaulle, donc on peut parler de cette période-là. Ouais. Il y avait, je pense, en tout cas, le prestige effectivement de Pétain qui était vu comme un général qui était proche en fait de ses soldats et de ses officiers, ce qui n'était pas le cas des autres généraux. Donc il y avait une approche plus humaine chez Pétain et Pétain avait un charisme indéniable, c'est clair. Donc arrive la Première Guerre mondiale. À cette époque-là, de Gaulle consigne déjà ses impressions. Et est-ce qu'il les consigne, peut-être plus encore dans les premiers mois de la guerre, dans l'idée qu'il va en faire quelque chose de littéraire plus tard? Est-ce qu'il a, selon vous, déjà cette idée de mémoire qui serait des mémoires littéraires au moment de la Première Guerre mondiale? Et ces mémoires, elles n'auront pas vraiment, il n'aura peut-être pas vraiment le temps de les écrire. Je crois qu'il s'est toujours projeté comme, d'une certaine manière, un soldat écrivain. Et surtout, il a toujours écrit. C'est-à-dire que ça a vraiment été chez lui une... Tout au long de sa vie, il a toujours écrit. On parle bien évidemment de ses lettres, ses notes et carnets. Il a écrit tous ses discours. Donc vraiment, c'est un homme qui vit la plume à la main. C'est un homme d'action qui vit la plume à la main. Toute la première compagnie est maintenant passée. Elle reçoit l'ordre de se déployer le long de la berge de la Meuse. L'adjudant Van Steen de cette compagnie passe à côté de moi. « Eh bien, Van Steen, ça va ?»« Oh, mon lieutenant, je n'irai pas loin. »« Mais si, en voilà des idées, allons donc. »« Mon lieutenant, je n'irai pas loin. »« Mais j'irai tout de même. » C'est son tour de se déployer avec sa section au tournant de la rue. Je le suis pour le voir faire. Il arrive au tournant. Vlan. Il lève les bras, fait 3 pas de mon côté pour dire « Vous voyez, je vous l'avais bien dit. » Et tombe raide mort. Extrait du carnet de notes personnelles de De Gaulle, daté de 1914. Alors la guerre de 14, d'abord il faut dire que De Gaulle est très vite blessé, dès les premiers combats, hein, Alexandre Duval-Stalla, mais il est miraculeusement sauf. Il va revenir au combat sur le front de Champagne, où les armées françaises et allemandes se sont à ce moment-là enterrées dans les tranchées après la victoire française sur la Marne. Mais dès son retour sur le front, il s'impatiente de l'immobilité à laquelle sont réduites les troupes. Et là, il est contre cette guerre de tranchées, mais il devient néanmoins l'adjoint d'un certain colonel Claudel. Alors tout cela... D'un point de vue du mémorialiste, est-ce que ça disparaît complètement ou est-ce qu'on le retrouve d'une manière ou d'une autre plus tard dans, par exemple, les mémoires de guerre, Alexandre Duval-Stalla? Alors, pendant toute cette période, donc il continue bien évidemment à écrire, mais aussi à enseigner. Il va beaucoup enseigner aux autres officiers ou à ses sous-officiers ou à ses compagnons d'armes. Il va être donc fait prisonnier et il donnera un certain nombre de conférences à chaque fois. Donc il y a vraiment ce souci d'expliquer. Transmettre, vous diriez qu'il y a cette notion-là aussi. Oui, d'ailleurs, il dit dans tous les dits et écrits qui accompagnèrent mon action, qu'ai-je été moi-même sinon quelqu'un qui tâchait d'enseigner. Et je pense que c'était extrêmement fort chez lui. C'est d'ailleurs pas un hasard s'il va donner le fil de l'épée est une conférence qu'il donne à l'école de guerre. Il veut être professeur. D'ailleurs, à l'école de guerre, ça lui a refusé parce qu'il a un caractère difficile. Il écrit beaucoup, hein. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard s'il va publier aussi 4 livres entre les années 20 et les années 30. Donc, il y a vraiment toujours ce souci d'écrire. Après, il y a bien évidemment la question de la Première Guerre mondiale qu'il va vivre d'une manière, vous l'avez rappelé, en fait, il a soif d'héroïsme. Et donc, c'est pourquoi il va effectivement être blessé tout au début de la guerre au genou. Il va revenir, il va à nouveau être blessé, il va repartir, il va être pris à Douaumont. Et là, ça va vraiment être le moment tragique. Il l'écrit d'ailleurs à sa mère en disant c'est le moment le plus tragique de ma vie. J'ai passé toute la fin de la guerre, donc à partir de 1916, en captivité. Et je suis passé à côté de cette guerre d'une certaine manière. Je suis passé à côté de la gloire à laquelle j'attendais à travers cette guerre d'une certaine manière. C'est pourquoi aussi qu'il fera partie de ce fameux Escaping Club, c'est-à-dire de ces soldats qui sont prisonniers par les Allemands et qui cherchent absolument à s'évader. Mais sans y parvenir. Et sans y parvenir, il fera 5 tentatives, sa taille le perdra à chaque fois. Mais tout le temps, il va, d'ailleurs, les conférences qu'il donne aux prisonniers de guerre en captivité, c'est pour expliquer pourquoi on a perdu, pourquoi on n'est pas allé assez vite. Voilà. Et donc, il y a cette réflexion chez lui. C'est vraiment un soldat qui réfléchit. Donc, pendant toutes les années 20 et les années 30, il va réfléchir à la place de l'armée française. C'est pourquoi il va publier vers l'armée de métier, parce que il va réfléchir aux chars qui vont être pris par Guderian en Allemagne et qu'ils vont mettre eux en place, alors que nous, on aura quelques chars, mais pas ce que trop dispersés dans les différents trop bataillons. Trop dispersés et pas comme l'avait entendu le colonel Motors, puisque c'est comme ça que c'était son surnom à l'époque. Donc, et puis il y a un traumatisme aussi, parce qu'il faut aussi le dire, c'est quand il parlera à sa nièce Geneviève de Gaulle qui revient des camps de concentration, il dira, bien évidemment l'expérience que tu as vécue a été différente de la mienne, mais l'expérience que j'ai vécue dans les tranchées, dans la boue avec mes compagnons d'armes, il dit, cette expérience m'a laminé l'âme. Mm-hmm. Et je pense que vraiment ça a été un moment si singulier pour cet homme qui s'était tant projeté en fait dans des choses élevées. La compagnie des auteurs sur France Culture, nous évoquons la vie du général de Gaulle, écrivain des mémoires de guerre, avec vous Alexandre Duval-Stalla. Alors revenons un petit peu en arrière, dans les années 20, de Gaulle reprend après la Première Guerre mondiale sa vie de militaire en temps de paix. Il se marie avec Yvonne Vandroux, une jeune fille de Calais dont le père est un industriel qui fabrique des biscuits et la mère a été infirmière majeure de l'hôpital militaire de Calais pendant la guerre. Vous l'avez dit, il est professeur à cette époque-là. Et puis, en mai 22, il est reçu au 33e rang à l'école de guerre. Or, l'école de guerre, à ce moment-là, c'est s'assurer une grande carrière. C'est l'élite de l'armée française, Alexandre Duval-Stalla. Oui, l'école de guerre, c'est vraiment, effectivement, le stade ultime de la suite de Saint-Cyr, qui est donc considéré comme la grande école de l'époque. La seule difficulté, c'est que le général de Gaulle, qui n'est pas général à cette époque-là, qui est officier, a un caractère de cochon et que ses supérieurs ne le supportent pas parce qu'il leur fait des remarques et qu'il est contre l'enseignement, notamment sur la stratégie. Il est contre cette stratégie. Il considère que désormais, il ne faut pas faire une stratégie, j'allais dire, il veut une stratégie de mouvement plutôt qu'une stratégie où on se terre. Et donc il va, et c'est le maréchal Pétain qui va pousser son poulain, notamment à faire cette fameuse conférence qui va ensuite faire le livre du fil de l'épée et qui le pousse contre les chefs de l'école de guerre pour prononcer cette conférence. Alors c'est intéressant parce que Pétain va voler finalement au secours de Gaulle au moment du classement de sortie de l'école de guerre parce qu'il est assez mal classé en réalité, Charles de Gaulle. Oui, il est assez mal classé du fait de cette dissidence. Et donc, Maréchal Pétain va imposer que son classement soit revu, en sachant que, bien évidemment, il ne sera pas non plus dans les premiers. Le maréchal, le futur maréchal juin. Oui, mais ça lui permet quand même d'accéder à des postes à responsabilité. En fait, il va être, j'allais dire, chapeauté par le maréchal Pétain, qui va le faire avancer au fur et à mesure de la carrière, mais il n'aura pas la carrière qu'il attendait, c'est-à-dire notamment devenir professeur à l'école de guerre. Il a été professeur à Saint-Cyr, mais pas à l'école de guerre. Et finalement, il aboutira au secrétariat général de la Défense nationale, où là, pendant 5 ans, il va être effectivement au cœur des activités. Il sera aussi la plume du maréchal Pétain, et ça sera notamment l'occasion d'une brouille entre les deux. Une brouille d'écrivain, puisque l'orgueil de l'écrivain de Gaulle ne supportera pas que quelqu'un d'autre signe son œuvre. Sans nullement méconnaître, monsieur le maréchal, le rôle que jouèrent dans l'élaboration d'une partie de mon livre l'impulsion que vous m'aviez jadis donnée et l'ambiance dans laquelle vous m'aviez placé, je ne puis, je l'avoue, concevoir que cette impulsion, cette ambiance, suffirait à faire d'une telle synthèse un travail d'état-major. Il ne se trouve plus rien dans ces chapitres dont on ne doive dire à coup sûr c'est du De Gaulle, et que fût-ce pour cette seule raison, vous puissiez pratiquement publier. Au surplus, monsieur le maréchal, et sans épiloguer sur les raisons qui vous firent, voici 11 ans, mettre fin à ma collaboration, il ne vous échappera certainement pas qu'au cours de ces 11 années, les éléments de cette affaire ont changé pour ce qui me concerne. J'avais 37 ans, j'en ai 48. Moralement, j'ai reçu des blessures, même de vous, monsieur le maréchal. Perdu des illusions, quitté des ambitions. Du point de vue des idées et du style, j'étais ignoré. J'ai commencé de ne plus l'être. Bref, il me manque désormais à la fois la plasticité et l'incognito qui seraient nécessaires pour que je laisse inscrire au crédit d'autrui ce que, en matière de lettres et d'histoire, je puisse avoir de talent. Je vous prie de bien vouloir accepter, monsieur le maréchal, l'assurance de mon très respectueux dévouement. Entre les lignes, Alexandre Duval-Stalla, dans cette lettre au maréchal Pétain. Dans cette lettre de rupture, il y a à la fois, je veux dire, les ambitions d'un jeune officier. En tout cas, il y a plutôt les ambitions d'un vrai écrivain. C'est que je pense qu'il est prêt à sacrifier sa carrière d'officier à sa carrière d'écrivain et qu'il considère que ce qu'il a écrit est plus important que finalement sa carrière. Il est prêt à la brouille avec le maréchal Pétain. mais il tient à ses écrits. Et donc cette lettre, effectivement, est un sursaut d'orgueil magnifique. Il y a des mots, le mot « talent » par exemple, « séduit de Gaulle », ça ce sont des mots d'écrivain justement. Il y a tout l'orgueil d'un écrivain dans cette lettre. Il y a, oui, ces mots qui nous appartiennent, ces phrases que nous avons réfléchies. Il y a cette œuvre qui, de Gaulle n'était pas fait pour être la plume d'un autre. Il était fait pour être écrivain lui-même. Et d'ailleurs, ça se ressent, enfin, son caractère même ne pouvait l'autoriser d'une certaine manière à n'être que le scribe du maréchal Pétain. Allez, on va poursuivre dans quelques minutes l'évocation de la vie du général de Gaulle, le mémorialiste, mais tout de suite sur France Culture, c'est le moment d'En Compagnie des Revues. La Compagnie des Auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Et aujourd'hui en compagnie du magazine L'Express, représenté par vous, Jérôme Dupuis, grand reporter au service Livre. Bonjour Jérôme. Bonjour. Vous venez nous parler aujourd'hui d'une librairie à laquelle L'Express s'est intéressé de près. Qu'est-ce qu'elle a en particulier ? Alors, je crains qu'elle ne soit qu'assez modérément gaulliste, vous allez assez vite le comprendre. C'est une nouvelle librairie qui s'est ouverte en plein quartier latin, rue de Médicis, face au jardin du Luxembourg, juste à côté des éditions Corti, qui ont édité Julien Gracq. Son nom, c'est la Nouvelle Librairie, et elle se veut une librairie de la droite décomplexée, c'est comme ça qu'elle s'appelle. On peut aussi dire que, plus simplement, que c'est un peu une librairie d'extrême droite. Très symboliquement, elle s'est ouverte au 11 rue Médicis, qui, au début du siècle dernier, était la librairie nationale de l'Action française de Charles Maurras, pendant deux décennies, et ensuite la librairie de Georges Valois, qui avait fondé les Faisceaux, une sorte de variante française du fascisme italien. Donc ce sont des lieux chargés d'histoire, et d'ailleurs le fondateur de cette librairie a placé une grosse tête de sanglier au-dessus de son comptoir, une sorte de totem gaulois. Mais il ne faut pas s'y tromper, c'est une librairie plutôt intellectuelle. Son fondateur, François Bousquet, a longtemps travaillé aux éditions de l'Âge d'Homme. Il est le rédacteur en chef d'Éléments, la revue intellectuelle de la Nouvelle Droite. Et il est très proche de Patrick Buisson, l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy. Donc on imagine qu'on y trouve les livres de tous ces auteurs-là. Est-ce qu'on y trouve aussi d'autres types de littérature ? Oui, c'est ça qui est intéressant d'ailleurs. On n'est pas dans une de ces bouquineries d'extrême droite où on trouve des livres sur les uniformes allemands et les mérites de l'OAS. L'idée de François Bousquet, c'est un peu de brouiller les lignes idéologiques et d'essayer d'annexer certains intellectuels dits de gauche, comme par exemple le philosophe Jean-Claude Michéa, ou le géographe de la France périphérique Christophe Guillouis, pardon, mais aussi un écrivain voyageur comme Sylvain Tesson, qu'on trouve dans la vitrine de cette librairie, Michel Houellebecq, le cinéaste italien Pasolini. Donc on voit qu'il y a une volonté un peu de brouiller les lignes idéologiques. En revanche, on n'y trouvera pas ni Édouard Louis, ni Le Clésio, et on y trouvera évidemment les grands classiques de l'extrême droite ou de la littérature droitière, les Hussards, Louis-Ferdinand Céline, Nietzsche ou des penseurs comme Carl Schmitt. Et puis à l'étage, on y trouve dans la partie réservée aux livres d'occasion des œuvres sans doute un peu plus sulfureuses, notamment des œuvres de l'antisémite forcené Henri Coston ou encore de François Duprat qui fut l'un des introducteurs du négationnisme en France. Mmh. Donc pour cette mouvance de la droite, c'est une ZAR, une ZAR, une zone à reconquérir par rapport à la ZAD qui serait le lieu de l'extrême gauche ou de la gauche. Oui, évidemment, François Bousquet se place dans une perspective de guérilla culturelle, de gramschisme de droite, comme il aime à dire, c'est-à-dire que le combat des idées et la victoire des idées doit précéder celle, évidemment, de la lutte politique. Donc, en s'installant en plein cœur du quartier latin, c'est-à-dire le quartier étudiant, le quartier intellectuel, il fait le pari d'une forme de droitisation de la société et même de droitisation des étudiants, parce que c'est aussi ça un peu l'un de ses paris. Et pour ça, il organise un certain nombre de débats, de conférences. Il a organisé fin septembre une retentissante séance de dédicace avec Éric Zemmour, où près de 400 personnes ont envahi le trottoir. Donc là aussi, presque symboliquement, c'est une sorte de reprise un peu du terrain. Il a signé 400 livres. Oui, il a signé 400 livres en 3 heures. Mais c'était une séance de signature, encore une fois, assez spectaculaire, puisqu'il y avait des menaces des antifascistes qui avaient un peu, si j'ose dire, comme au bon vieux temps des années 60 et des groupuscules politiques qui avaient menacé de s'en prendre à la librairie. Donc la signature s'est faite sous haute surveillance avec des policiers, des CRS, des vigiles. Donc ça prélude sans doute d'une forme de combat qui ne sera sans doute pas que idéologique. Et on peut dire, pour conclure, que c'est une manière un tout petit peu particulière de fêter les 50 ans du mois de mai 68, ce mois de mai qui a fait tant de mal, je crois, au général de Gaulle. Merci Jérôme Dupuis. On retrouve votre signature dans les pages livres du magazine L'Express. À très bientôt. Vous écoutez toujours la Compagnie des auteurs sur France Culture. Nous repartons dans cette semaine consacrée aux mémoires de guerre avec cette évocation de la vie de Gaulle, mémorialiste, et un extrait de son livre dont on a déjà un peu parlé, Le fil de l'épée. Face à l'événement, c'est à soi-même que recourt l'homme de caractère. Son mouvement est d'imposer à l'action sa marque, de la prendre à son compte, d'en faire son affaire. Et loin de s'abriter sous la hiérarchie, de se cacher dans les textes, de se couvrir des comptes rendus, le voilà qui se dresse, se campe et fait front. Non qu'il veuille ignorer les ordres ou négliger les conseils, mais il a la passion de vouloir, la jalousie de décider. Non qu'il soit inconscient du risque ou dédaigneux des conséquences, mais il les mesure de bonne foi et les accepte sans ruse. Bien mieux, il embrasse l'action avec l'orgueil du maître, car s'il s'en mêle, elle est à lui, jouissant du succès pourvu qu'il lui soit dû, et lors même qu'il n'en tire pas profit, supportant tout le poids du revers, non sans quelque amère satisfaction. Bref, lutteur qui trouve au-dedans son ardeur et son point d'appui, joueur qui cherche moins le gain que la réussite, et paie ses dettes de son propre argent. L'homme de caractère confère à l'action la noblesse. Sans lui, morne tâche d'esclave, grâce à lui, je divins du héros. Du fil de l'épée, lu par François Martouret. C'est un guide de conduite qui est aussi, par la force des choses, un autoportrait. Alexandre Duval-Stalard, on a déjà commencé un petit peu le dire, mais là, dans cet extrait, c'est encore plus flagrant. Oui, il y a une projection dans le fil de l'épée de ce que doit être un chef et de ce qu'est, à ce moment-là, l'officier de Gaulle. Et c'est pourquoi ce livre est d'une certaine manière prémonitoire de ce qu'il sera comme chef de la France libre et puis ensuite comme président de la République. Donc c'est un livre qui paraît en 1932. Tout à fait, ouais. Après les avoir prononcés sous la protection du maréchal Pétain à l'école de guerre. Et c'est vraiment un écrit qui reste majeur dans l'imaginaire gaullien parce qu'on a là transcrit tout l'imaginaire du chef. Alors c'est un livre qui est celui d'un homme relativement jeune encore, par rapport évidemment aux mémoires de guerre qui viendront plus tard. Ça se sent un petit peu dans le style qui est peut-être plus martial. On a quelque chose là qui n'est pas dans le raffinement extrême de ce qu'on lira plus tard. C'est un style effectivement extrêmement classique. Presque, j'allais dire, des historiens latins comme Salus, c'est-à-dire des phrases courtes, avec tout de suite une description du caractère, des objectifs, Il est extrêmement didactique et pédagogique. Ouais. Alors, évidemment, il va œuvrer en coulisses pour ce renouvellement des conceptions stratégiques de la défense militaire de la France. Et à force de prêcher dans le désert, on va le considérer de plus en plus comme un rebelle. C'est ça aussi un peu la conséquence, finalement, de ces prises de position publiques par le fil de l'épée, notamment. Oui, je pense qu'on n'arrive pas à comprendre cette période-là si on ne comprend pas que donc Charles de Gaulle est un intellectuel. Et parce qu'il est un intellectuel, il remet en cause les choses. Mmh. Et donc il a cette capacité critique qui est, j'allais dire, la vertu première d'un intellectuel. De quelqu'un qui lit, de quelqu'un qui s'intéresse, de quelqu'un qui est curieux. Et je pense que ce qui est aussi important de montrer, c'est que au début des années 30, la tentation quand même dans une armée française de penchant, pas forcément fasciste, mais en tout cas autoritaire. Et d'ailleurs, Churchill aura une certaine sympathie pour Mussolini à un moment, n'existe pas en fait du tout chez De Gaulle. Et je pense qu'il le tient en fait de son père, qui lui a donné à la fois cette indépendance d'esprit et surtout ce souci de la liberté. Une liberté intellectuelle complète et qui fait qu'il dira d'ailleurs une lettre assez tôt, il dira « mais comment payer du prix de la liberté, l'ordre social ?» Et je pense qu'il y a là, chez le général de Gaulle, du fait de sa culture, de cette immense culture, de cette vaste culture, ce qui l'a prévenu de tomber dans ces aspects autoritaires, fascistes. Et ça, c'est vraiment été déterminant. Et ensuite, dans cette période-là, il s'aperçoit, donc il est au secrétariat général de la Défense nationale, donc vraiment au centre, j'allais dire, de la dynamique de la défense de la France, on est donc de 32 à 37, et il va bien évidemment voir petit à petit monter le danger nazi avec Hitler, et il n'est pas dupe de ça. Et le seul problème, c'est que la stratégie militaire française, c'est la ligne Maginot, c'est-à-dire on a construit une grande ligne et on se dit que les soldats allemands vont s'arrêter sur cette ligne bien gentiment et n'iront pas ni au-dessus ni sur les côtés. Les Anglais iront faire sécher et les Français aussi leur linge sur la ligne. Voilà. Et finalement, les Allemands passent au nord et passent au-dessus et du coup, la France est envahie et on sait ce qu'il arrivera en 40 de l'armée française. Et donc, il va pendant toutes ces années-là être conscient des faiblesses de la défense française et va prêcher dans le désert, prêcher contre l'état-major qui, eux, s'arriment. Il faut comprendre qu'on a un état-major qui est vieilli, très vieux, vieillissant, d'ancienne gloire de la Première Guerre mondiale et qui n'ont pas du tout envie de remettre en cause ce qu'ils pensent qui les ont permis d'avoir gagné pendant la Première Guerre mondiale. Et donc, il y a vraiment là à la fois une différence de génération, mais aussi une différence de réflexion stratégique militaire que le général de Gaulle et un petit nombre essayent de diffuser. Alors, il y a peut-être quand même quelques relais politiques, mais qui ne seront pas suffisamment puissants. Je crois que Paul Reynaud, par exemple, le soutient. Voilà, Paul Reynaud va prendre un peu sous son aile donc l'officier de Gaulle et va être convaincu de ses vues et va déposer des projets de loi qui ne seront pas adoptés. Léon Blum aussi. Léon Blum, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué parce que Léon Blum est donc d'une famille socialiste. Lorsqu'il arrive en 36, il comprend bien la nécessité de réarmer. Mais le grand procès qui va être fait, c'est notamment par Vichy, c'est qu'en fait, soi-disant, le Front populaire n'a rien fait. Or, le Front populaire a été sans doute le gouvernement qui a le plus investi dans l'armement de la France à ce moment-là. Il dit dans ses mémoires de guerre que Léon Blum fut très vite ressaisi par les penchants habituels de la famille socialiste, ce qui signifie dans la bouche du général de Gaulle quoi, une sorte d'antimilitarisme. Ça veut dire que d'une certaine manière, il n'aurait pas vu ce que, ça se paraît très étonnant, ce que le Front populaire a fait pour le réarmement de la France. Je pense que le général de Gaulle attendait qu'ils en fassent plus. Blum n'est finalement pas resté si longtemps que ça président du Conseil. Et donc, d'ailleurs, par exemple, le moment de savoir si ils allaient soutenir les républicains espagnols. Donc c'est la politique de non-intervention. André Malraux se trouve lié à cette histoire-là, puisque c'est avec Léo Lagrange, ministre de Léon Blum, qu'il va apprendre effectivement le soulèvement par Franco contre la République. Il y a cette scène un peu particulière où Léon Blum ne lèvera la séance du Conseil des ministres qu'après que le dernier avion ait décollé pour l'Espagne, pour signer enfin le traité de non-intervention. Donc il y a un ensemble, hein, bien évidemment, et c'est... Il faut comprendre aussi le jeu politique. Mais de Gaulle était justement hors ce jeu politique et donc il avait cette préscience de voir absolument faire les choses. Donc il va envoyer un mémorandum aux 80 personnalités pour essayer de changer les choses. Il va essayer d'alerter les uns et les autres. Enfin, il va vraiment être moteur contre son état-major, puisqu'il va notamment, enfin, contre ses supérieurs, puisqu'il va écrire ce mémorandum sans l'autorisation de ses supérieurs. C'est quand même assez incroyable qu'un militaire écrive aux 80 plus grandes personnalités politiques du pays sans l'autorisation de ses chefs. Toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la France. Le sentiment me l'inspire aussi bien que la raison. Ce qu'il y a en moi d'affectif imagine naturellement la France, telle la princesse des contes ou la madone aux fresques des murs, comme vouée à une destinée éminente et exceptionnelle. J'ai d'instinct l'impression que la Providence l'a créée pour des succès achevés ou des malheurs exemplaires. S'il advient que la médiocrité marque pourtant ses faits et gestes, j'en éprouve la sensation d'une absurde anomalie, imputable aux fautes des Français, non au génie de la patrie. Mais aussi, le côté positif de mon esprit me convainc que la France n'est réellement elle-même qu'au premier rang. Que seules de vastes entreprises sont susceptibles de compenser les ferments de dispersion que son peuple porte en lui-même. Que notre pays, tel qu'il est, parmi les autres tels qu'ils sont, doit, sous peine de danger mortel, viser haut et se tenir droit. Bref, à mon sens, la France ne peut être la France sans la grandeur. Une lecture par François Martouret de cette célèbre page des Mémoires de guerre. C'est la première et c'est aussi une page d'anthologie. C'est une page magnifique d'anthologie, sans doute la plus belle déclaration d'amour qu'on ait fait à la France. Il y a à la fois dans la structure, dans le rythme, dans les mots qui sont choisis, dans les images, dans cette projection qu'il fait de la France, bien évidemment, quelque chose d'extraordinaire, aussi de Chateaubriand. Alors Chateaubriand lui projetait plutôt dans les femmes, cette princesse des Madones, mais lui, le général de Gaulle, le projette dans la France, et c'est là où on voit en fait cette... le génie en fait du général de Gaulle, cette espèce de hauteur de vue qui est une vue sur l'ensemble de l'histoire, enfin des perspectives qui sont très très grandes, et cette capacité en fait très d'un profond intellectuel, c'est-à-dire de savoir prendre du recul tout en investissant à la fois d'histoire, de géographie, de sentiments charnels, hein, dans cette page extrêmement courte mais si bien ciselée de toute ma vie, la France. Ouais. Et alors c'est une autobiographie aussi ou c'est autre chose que ça, parce que le général de Gaulle était quand même un être extrêmement pudique, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Peut-on parler d'autobiographie ? Alors on peut pas parler d'autobiographie parce qu'en fait les rares éléments personnels sont extrêmement peu nombreux. Il y a peut-être 4 ou 5 éléments personnels. Il se décrit dans l'avion qu'il emmène. Voilà, à Londres, il va parler de sa mère. Exemple, voilà, il va parler de sa mère. Il va parler de sa femme, mais très de manière très courte. Donc il y a pas du tout de penchant. Enfin, je sais pas du tout. Hein, c'est ni Rousseau ni Montaigne. Donc il y a pas du tout dans ses mémoires de choses personnelles. Et pourtant, on le sent toujours présent dans chaque phrase. Il est présent dans chaque phrase. D'ailleurs, au fur et à mesure, le jeu deviendra de Gaulle et il parlera à la troisième personne. C'est l'écriture. En fait, il y a, d'une certaine manière, son seul prédécesseur, c'est César. C'est-à-dire quelqu'un qui va à la fois faire l'histoire et l'écrire. Et donc il y a cette dans, les mémoires de guerre sont assez pour ça assez extraordinaires, c'est qu'on voit les moments qu'il décrit, mais c'est lui qui les vit, et il y a un dédoublement de personnalité dans les mémoires de guerre. Finalement, De Gaulle vit pour accomplir son destin et d'une certaine manière pour pouvoir se le raconter, puis pour le raconter aux Français. Il n'est question que de narration, finalement, dans l'histoire de De Gaulle et son rapport avec le peuple français et son rapport avec la France. Oui, on pourrait se poser la question de savoir si finalement il n'a fait tout ça que pour pouvoir écrire ses mémoires de guerre et devenir un grand écrivain. C'est votre sentiment ? Je crois. Enfin, d'abord, je crois qu'il avait un attachement à la France, qu'il était d'une certaine manière le seul dans sa génération à l'avoir comprise aussi largement, généreusement, et d'y avoir projeté à la fois sa géographie, son histoire, sa culture. Aucun autre homme politique n'avait eu cette dimension. Alors, c'est une dimension très roman national, très identité narrative aussi. Tout à fait, voilà. Mais il y a une dimension qui est une dimension extrêmement ouverte et généreuse. Et c'est ça qui fait la différence avec beaucoup d'autres qui projettent parfois une France identitaire ou une France limitée. Voilà, c'est qu'il a toujours. C'était pas la France pour la France, c'était parce que la France incarnait d'une certaine manière un idéal de la condition humaine. C'est pour ça qu'il était aussi très ami avec Malraux. C'est que c'était pas la France pour la France, parce que voilà, on voulait pointer son petit drapeau, tout ça. C'est qu'il avait projeté sur la France son génie. C'est le poème de Dubélé, France, mère des arts, des armes et des lois. C'est ça, c'est qu'il y a à la fois le côté artistique, le côté de la France de l'armée, mais aussi le côté de cette France des lois, c'est-à-dire vraiment un ensemble global au service du monde. Voilà, c'est vraiment au service de la condition humaine. C'est ce qu'il faut vraiment, je pense, comprendre de la part du général de Gaulle. C'est pas du tout un nationalisme. Vous vous souvenez, vous, Alexandre Duval-Stalla, de votre première lecture des Mémoires de guerre? Vous l'avez lu à quel âge? Alors moi, j'ai toujours aimé l'histoire. Et en fait, quand je suis arrivé en sixième, on m'a dit le plus grand homme de l'histoire, c'était le général de Gaulle. Et en primaire, on parlait pas à l'époque du général de Gaulle. On s'arrêtait un peu avant. Donc j'étais un peu piqué au vif de ne pas connaître. Et je me rappelle très bien avoir commencé à lire un article d'encyclopédie que ma mère est allée récupérer. Et puis ensuite, très rapidement, j'ai lu, en fait, donc La Mauvaise Rencontre, les premiers. Voilà. Ah oui, donc vous les avez tous pris quasiment dans l'ordre. Je les ai presque pris dans l'ordre, voilà. Et bien évidemment, cette page magnifique des Mémoires de guerre m'a beaucoup influencé. Et la fin aussi, je l'ai cité tout à l'heure, sur ces saisons. Il y a aussi une dimension assez poétique chez De Gaulle, et aussi une poésie d'une certaine manière de la vie, c'est-à-dire que et une dimension spirituelle. Je pense qu'on peut pas non plus retirer la dimension spirituelle bergsonienne, donc ça... justement vitaliste bergsonienne. Alors il a un espèce de catholicisme, j'allais dire presque familial et naturel chez lui, c'est-à-dire que lorsqu'il y a un moment assez amusant avec Claude Mauriac, donc le fils de François Mauriac, qui va devenir le secrétaire du général de Gaulle au lendemain de la guerre. Et donc, ils arrivent à Paris en août 44, au ministère rue Saint-Dominique, et il assiste à la messe, comme il assiste de manière régulière à la messe le dimanche. Et il se penche vers Claude Mauriac. Claude Mauriac imagine qu'il se passe quelque chose. Et en fait, il lui dit, regardez, il y a un petit oiseau qui est en train de se poser derrière l'autel. Donc il y a une espèce de naturel, en fait, du catholicisme, d'un catholicisme social qui vient du Nord, qui est extrêmement important chez lui. Merci donc Alexandre Duval-Stalla. Je rappelle que vous êtes avocat et écrivain. On vous doit notamment cette biographie croisée de Charles de Gaulle et d'André Malraux, dont on a beaucoup parlé aujourd'hui. Elle est aux éditions Gallimard. On la trouve dans la collection Folio. Également cette biographie croisée de Napoléon Bonaparte et Chateaubriand. Et puis une troisième de Claude Monet et Georges Clemenceau. Tout cela également disponible en Folio. Cette émission n'aurait pu avoir lieu sans le concours de Stéphanie Vélin, Laurence Millet, Laurence Genepin, Vanessa Prévost, Didier Pinault et Bruno Gagnère-Fontani. Demain, on continue de parler d'un Charles de Gaulle mémorialiste avec ses lettres, notes et carnets dont nous parlera Jean-Luc Barré. Mais tout de suite, c'est le retour de la poésie et c'est évidemment avec Jacques Bonnafé. Bonjour, bonjour la compagnie. Apollinaire II, Guillaume Apollinaire, dont nous fêtons l'anniversaire, 100 ans déjà mort de la grippe espagnole, quelques heures avant l'armistice du 11 novembre 1918, déclaré pour le coup mort pour la France. Apollinaire II, ici nous tentons le raccourcissement du poème. Prenez Zone, le titre est beau. Hein, pas question d'être déçu. Zone, 1913, c'est paru dans le recueil Alcool. Poème assez long, encore une fois, interminable. Mais il n'est pas dit que ça s'arrête un poème. Hein. Il n'y a pas de chute, il n'y a pas de point, il n'y a plus de ponctuation chez Guillaume Apollinaire. C'est souffler, sortilège. Zone, au singulier, c'est la zone. À la fin, tu es là de ce monde ancien. Bergère, ô tour Eiffel, le troupeau des ponts belles ce matin. Des vers séparés, tu en as assez de vivre dans l'antiquité grecque et romaine, dans les pas du promeneur. Guillaume s'échauffe, Guillaume démarre. Avançons, avançons, évitons de décrypter le vers 8. L'Européen le plus moderne, c'est vous, pape Pie X. Seul en Europe, tu n'es pas antique au christianisme, épargnons Guillaume. Avançons, avançons dans le poème. Et j'ai vu ce matin une jolie rue dont j'ai oublié le nom, neuve et propre du soleil, elle était le clairon. Le matin, par trois fois, la sirène y gémit, une cloche rageuse y aboie vers midi. Les inscriptions des enseignes et des murailles, les plaques, les avis à la façon des perroquets criaillent. J'aime la grâce de cette rue industrielle. Plus loin, dans les pas du promeneur, écoutons. Voilà la jeune rue, et tu n'es encore qu'un petit enfant. Ta mère ne t'habille que de bleu et de blanc. Tu es très pieux, et avec le plus ancien de tes camarades, René Dalyse, vous n'aimez rien tant que les pompes de l'église. Ah, ah. Et le voilà reparti, Guillaume. Alors, on va prier avec lui. Vous priez toute la nuit dans la chapelle du collège, tandis qu'éternelle et adorable profondeur améthyste tourne à jamais la flamboyante gloire du Christ. C'est le beau lys que tous nous cultivons, c'est la torche aux cheveux roux que n'éteint pas le vent, c'est le fils pâle et vermeil de la douloureuse mère, c'est l'arbre toujours touffu de toutes les prières, c'est la double potence de l'honneur et de l'éternité, c'est l'étoile à six branches, c'est Dieu qui meurt le vendredi et ressuscite le dimanche, c'est le Christ qui monte au ciel mieux que les aviateurs, il détient le record du monde pour la hauteur. Nous retrouvons le Guillaume surréaliste. On dit que c'est lui qui a inventé le mot. Laissons-le marcher quelques pas tel un mal-aimé. Maintenant tu marches dans Paris, tout seul, parmi la foule. Des troupeaux d'autobus mugissants près de toi roulent. L'angoisse de l'amour te serre le gosier, comme si tu ne devais jamais plus être aimé. Eh bien, on le saura demain dans la suite de Zone. Jacques Bonnafé, merci.